بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا 15 في كتاب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، حامل لواء الجرح والتعديل في هذه الأزمان. Donc, frère, Allah Azza wa Jal, c'est notre 15e cours autour de ce livre de son éminent Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, qui porte l'étendard de l'éloge et de la réfutation. Son livre s'intitule La méthodologie de la da'wa dans la voie du prophète alayhi salatu wasalam. C'est là où il y a la hikma, où il y a la sagesse et la raison. وقفنا عند قول المصنف حفظه الله تعالى ومتع به: ورابعهم موسى كليم الله القوي الأمين، نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. يكون استهليف كي كونسرن لدعوة دي بروفيت عليه الصلاة والسلام. شيخ حفظه الله تعالى إلى بري 5 موديل، 5 prophètes comme exemple pour nous montrer la voie des prophètes alayhi salatu salam dans la da'wa. Et nous sommes arrivés au quatrième de ces prophètes, qui est Moussa alayhi salatu salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala parlait, qui était fort, qui était homme de confiance. Et il cherche de nous dire sa da'wa. On voit que la da'wa de Moussa alayhi salatu salam s'oriente vers le monothéisme et porte avec elle les lumières de la guidée et de la sagesse. يقول الشيخ حفظه الله: لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله، وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد واستدلال واستحياء النساء وقتل الأبناء ما فاق كل ظلم عرفته البشرية. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إيه الشيخ دونودير حفظه الله تعالى: Moussa alayhi salatu wassalam a été éduqué et a grandi dans les palais des pharaons, ces pharaons qui prétendaient être les divinités, et il a connu toutes les couleurs, il a vu toutes les couleurs du mal et de la mécréance et de l'injustice dans les palais de ces pharaons. Il l'a vu de très près, il a vu des choses qu'il est difficile de s'imaginer et de supporter, et il a vu ce qu'a subi son peuple, Banu Israël, comment ils étaient avilis, comment ils étaient au plus bas degré, comment on tuait les hommes et on laissait vivre les femmes, simplement pour les avilir. Et il a vu des formes de l'injustice que l'humanité n'a pas vues. Et donc, partant de là, on voit que dans ce passage, que Moussa est la meilleure des personnes qui connaît ce qui se passe dans les palais des pharaons. Et malgré tout ça, ce prophète alayhi salam va commencer sa da'wa en appelant vers le monothéisme et vers le fait de délaisser l'associationnisme. Il ne commencera pas cette dawa en excitant à la révolte, en appelant aux manifestations, ni au putsch, ni à les révolutions contre les gouverneurs. Allah Azza wa Jal, il est dit dans ce verset qui est cité ici par Sir, Pharaon a certes Pharaon, c'est une orgueilleuse sur terre, et il a fait que sa population est divisée en groupes, et certains il les a avilés qui sont Banu Israël, il égorge leurs enfants, il laisse vivre leurs femmes, et c'était un homme qui faisait le mal. بنو إسرائيل إخوة الإسلام كما تعلمون دخلوا مصر في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام فهو الذي استقدم والده إسرائيل فيعقوب هو أبو يوسف ولقبه إسرائيل وولده 12 ولد وإخوة يوسف هم أولاد إسرائيل قال عز وجل وقطعناهم 12 أصباطا أمما. Donc comme vous le savez, frère Allah عز وجل, Banu Israël sont rentrés en Égypte à l'époque de Yusuf alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a ramené son père, qui a demandé à ses frères d'aller chercher leur père et de le ramener en Égypte. Israël, c'est Yaqub. Et c'est le père de Yusuf alayhi salatu wassalam. Son nom c'est Israël. Et ses enfants sont au nombre de 12, qui sont Youssouf et les autres 11 frères. Et ce sont eux qui vont être à la tête de chaque communauté de Banu Israël, c'est-à-dire de chaque tribu. Il est dit dans le Coran, nous les avons divisés en 12 tribus, qui correspondent aux 12 communautés de Banu Israël. فَكُلُّ وَلَدٍ مِنْ أَوْلَادِ إِسْرَائِيلِ لَهُ ذُرِّيَّةٌ هُمْ أَصْبَاطُ بَنُو إِسْرَائِيلِ وَالْأَصْبَاطُ كالقبائل عند بني إسماعيل قيل لهؤلاء أصباط ولذرية إسماعيل قبائل لتمييزهم وبقي بنو إسرائيل في مصر إلى عهد فرعون فرعون آخر فاستعبدوا واستجلوا وبعث موسى فيهم على هذا الوضع. Et donc les descendants de Israël, des enfants de Israël, de Yaqub عليه الصلاة والسلام, ce sont eux qui vont constituer les 12 tribus de Banu Israël. De chaque enfant de Yaqub sortira une communauté. Et on a appelé, il a été appelé dans le Coran, Banu Israël Asbat, pour les différencier, et on a appelé la descendance de Ismaël a.s. les tribus pour les différencier. Les descendances de Ismaël s'appellent des tribus, et les descendances de Ishaq s'appellent l'Asbat. Pour les différencier, et Banu Israël, Ismaël aussi fait partie, c'est l'un des arrière-aïeuls de Banu Israël. Il était le frère de Ishaq, qui est le père de Yaqub. Et Banu Israël sont restés, après leur arrivée en Égypte à l'époque de Yusuf, ils sont restés. Ils ont vécu avec d'autres pharaons, et parmi eux, ceux, le pharaon, devant lequel est arrivé, vers lequel a été envoyé Moussa, alayhi salam. Et Moussa, quand il a été envoyé, il les a trouvés dans cette situation d'avilissement par les pharaons. وَضُطُهِدَ بَنُو إِسْرَائِيلِ مِنْ قِبَلِ فِرْعَوْنِ بِقَتْلِ أَبْنَائِهِمْ وَيِبْقَاءِ نِسَائِهِمْ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِعْبَادٌ لَهُمْ وَتَحْطِيمٌ لَهُمْ لِكَيْ يَكُونُوا أُمَّةً لَا ذُكُورَ لَهَا فَهَذَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ. Banu Israël ont subi les pires, la pire tyrannie de la part de Pharaon, en tuant leurs enfants, garçons, et en laissant les filles et les femmes. Et ceci, en réalité, c'est un avilissement pour eux, c'est pour détruire cette communauté, que cette communauté n'est pas de mâle, qui est que des femelles. Et ceci est une énorme injustice sur terre. فَبِمَا عَلَجَ كَلِيمُ اللَّهِ هَذَا الْوَضْعَ الْمُخْزِي. Et comment maintenant Moussa a.s. à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, va remédier à cette situation d'injustice, et à cette vile situation. وَالْفَرَاعِنَةُ فِي مِصْرِ كَانُوا كَفَرًا وَقِصَّةُ مُوسَى وَفِرْعَوْنْ مَذْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعٍ. Et les pharaons en Égypte, ils étaient des mécréants. Ils prétendaient être Hein, des divinités. Ils prétendent être les souverains du monde. Et que c'est à eux qu'on doit réserver le culte, etc. Et l'histoire de Moussa et de Pharaon, il est cité dans le Coran, dans beaucoup de passages. Fasma. لقول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فهذا أمر لعيسى بعقيدة التوحيد واقم الصلاة لذكري أعظم ركن عملي في الدين إن الساعة آتية يعني اعمل صالحا في هذه الدنيا لما بعد الموت écoute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est adressée à Moussa alayhi salatu wasalam. Je suis le seul digne d'être adoré. Adore-moi. Et ça, c'est un ordre à Moussa, alayhi salatu wasalam, d'accomplir le monothéisme. Et il lui dit après, il accomplit la prière pour mon invocation. Et ça, c'est le plus grand des actes que nous faisons dans la religion, qui est la prière. L'heure va arriver, ça veut dire fais une bonne œuvre dans ce bas monde pour ce que tu vas trouver dans le delà. Pour que ça te serve après ta mort. وهكذا إخوة الإسلام يجب على الداعية أن يهيئ نفسه للدعوة بالتوحيد وتحقيق التوحيد والعمل الصالح. فبعدما أمر الله موسى بالتوحيد والعمل الصالح بعدها أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة. ياسف خاونا الله عز وجل le prêcheur et celui qui veut être داعي إلى الله il doit se préparer pour cette da'wah avec le monothéisme. Il doit accomplir le monothéisme et mettre en application le monothéisme dans sa vie et faire accomplir la bonne œuvre. Et après, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi sallam. Et après, il lui a ordonné de faire da'wah. Donc d'abord, une science que nous acquérons, on met en application et après on appelle. Et la science la plus importante, c'est la science du monothéisme. يقول أهل العلم على الداعية يقول أهل العلم على الداعية أن يبدأ بنفسه فيصلحها ربنا قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وتيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Les hommes de science disent le prêcheur, le da'i doit commencer avec lui-même, doit se corriger lui-même et faire sa tazkiya. Hein? Et ceci, beaucoup de passages dans le Coran nous orientent vers cette voie-là, vers le fait de changer soi-même et d'être sur la bonne voie d'abord. Comme il dit à notre prophète, alayhi salam, ô toi qui es sur les couvertures, debout, il va avertir, et ton souverain, tu dois glorifier, et tes vêtements, tu dois nettoyer, et tu dois t'éloigner de tout ce qui s'adore en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, pour ton souverain, tu dois endurer et patienter. Idan, ala da'iyati an yabda'a bi nafsi, yuhakik tawhid, ويصلحه في نفسه ويقوم بالعمل الصالح قال عز وجل فاعبدني واقم الصلاة لذكري. Donc il appartient maintenant au prêcheur de commencer par lui-même en accomplissement le monothéisme dans sa vie et de remédier et de se corriger et d'accomplir la bonne œuvre, car il est dit dans le verset en s'adressant Allah subhanahu wa ta'ala s'adressant à Moussa, adore-moi, réserve-moi le culte, accomplis le monothéisme pour Allah et accomplit la prière. Fa audatan ila kalam al-shaykh hafidhahu Allah ta'ala fa yaqul wa kana qawm fir'aun ahla shirk wa wataniyah dun shak. Et Cheikh Rabi' de nous dire le peuple de Pharaon était des gens de l'associationnisme. Il y a aucun doute là-dessus. Fa kayfa kana bad'u da'wati Musa hal ittajahat ila islah aqidati hadhihi al-ummah al-wataniyah أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي الجاد في إقامة الدولة الإسلامية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتأله. Comment Cheikh, de nous dire comment a commencé la da'wa de Moussa alayhi salam. Est-ce qu'il s'est orienté vers la réforme des croyances de cette communauté qui vit dans l'associationnisme, où il a commencé à demander les droits de Bani Israël et à concurrencer les pharaons sur leur gouvernorat et sur l'État, où il a mis tous ses efforts pour accomplir un État islamique et d'arracher le pouvoir des mains de ses tyrans et à leur tête Pharaon qui a prétendu être l'Ilah. Yaqul le Cheikh, لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من الأنبياء لقد لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. Et Cheikh de nous dire, la da'wa de Moussa alayhi salatu salam était comme toutes les autres da'was. Il est comme la da'wa de ses parents et de ses frères parmi les prophètes, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et lui a inculqué les fondements du monothéisme et il l'a élu pour transmettre et pour porter ce fardeau du message et de l'accomplir et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et d'appeler vers le monothéisme et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa la ta'ka hadith Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu naran ay absartu naran la'alli atikum minha biqabas aw ajidu 'ala an-nar huda. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Donc il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment il a préparé Moussa alayhi salatu salam. Et avec quoi il l'a envoyé? Il dit dans le verset, est-ce que tu as reçu les nouvelles de Moussa? Quand il a vu le feu, il a dit, en revenant vers l'Égypte, avec sa famille, et il a dit à sa famille, quand il a vu un feu lointain, il a dit à sa famille, restez ici. J'ai vu du feu, je vais aller voir pour vous ramener quelque chose, où là je trouverai un guide qui me guide, etc. Et quand il est arrivé vers le feu, il a été appelé. Oh Moussa, je suis ton sevrage. C'est-à-dire, Allah, ce n'est pas le feu qui l'a appelé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé. Il lui a dit, oh Moussa, je suis ton sevrage. Enlève tes chaussures, car tu es dans le fleuve Bini. Et je t'ai choisi. Écoute à ce qui va être révélé. Je suis Allah, le seul digne d'être adoré. Adore-moi et accomplis la prière pour mon évocation. L'heure va arriver, je la cache pour que chaque âme ait la récompense de ce qu'il a fait. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné le monothéisme. Il lui a ordonné d'accomplir la bonne œuvre. Et la plus importante des bonnes œuvres, c'est d'accomplir le monothéisme. Et juste après d'accomplir la prière, pour se préparer pour la récompense de l'au-delà. Hakada, يقول الشيخ, hakada fi muftatah risalatihi, tumla alayhi aqidatu at-tawhid, wa yukallafu shakhsiyan an yaquma biha fi waqi'i nafsihi wa yatamattalaha. Et Cheikh de nous dire, ainsi, au début de sa fonction de messager, il lui dictait les croyances du monothéisme. Il lui est imposé personnellement d'accomplir ce monothéisme et que ce monothéisme soit une réalité dans sa vie. Wa yaqul al-shaykh thumma yukallifuhu bid-da'wati li hadha al-mabda' fa yursiluhu ila fir'aun wa yubayyin lahu tariq ad-da'wati wa uslubaha al-hakim alladhi yuwajihu bihi fir'aun. Qala ta'ala idhhab ila fir'aun innahu tagha. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى وَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. Cheikh de nous dire, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la responsabilité de la da'wa. Son noble principe. Et il l'envoie à Pharaon. Et il lui montre la voie de la da'wa et le style sage avec lequel il doit faire face à Pharaon. Et il dit dans le verset, va faire Pharaon, car il a dépassé ses limites. Dis-lui, est-ce que tu veux que je te montre le chemin qui va te guider, hein, et qui va te purifier, qui va te guider vers ton souverain, et que tu vas avoir peur de ton souverain, et que tu vas te purifier de l'impureté de l'associationnisme, avec la foi et avec la bonne œuvre. ويقول الشيخ ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة ويعلمه الرفق ويعلمهما الرفق واللين في الدعوة فإن ذلك أقرب طرق إلى هداية من يريد الله هدايته اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Aussi الله سبحانه وتعالى donne de la force et renforce Moussa alayhi salatu wassalam avec son frère. Fait que son frère soit son vizir, son bras droit, pour qu'ils puissent tous les deux accomplir la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur enseigne le fait d'être doux et d'être sage et d'utiliser un bon langage dans le da'wah. Car ça, le bon langage et la sagesse, c'est la meilleure des voies vers la guider, vers le cœur de celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut guider. Et il leur dit, allez vers Pharaon car il a dépassé ses limites. Et dites-lui une parole douce pour qu'il se rappelle. Et peut-être qu'il va avoir peur, il va se rappeler. Wa huna amrun ajib. Harun nabba'ahu Allah bi su'ali akhihi Musa. Qala Musa, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال لقد أتيت سؤلك يا موسى. Et aussi une situation extraordinaire dans l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam et de Harun. Harun est devenu prophète par la demande de Moussa alayhi salatu wassalam à Allah. C'est Moussa qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, et fait que mon frère Harun soit mon vizir, pour qu'il m'aide, pour qu'on soyons forts, pour qu'il soit associé à cette situation, pour qu'on te glorifie beaucoup et pour qu'on t'invoque beaucoup, car tu nous vois et tu sais notre situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi sallam, ta demande est exaucée à Moussa. يقول أهل العلم أنه لا يعرف على وجه الأرض أخ أزدل لأخيه معروفا كموسى لأخيه هارون حيث سأل لأخيه النبوة قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى. Les hommes de science disent, il n'est pas connu sur terre un frère qui a rendu d'un des grands services à son frère comme Moussa alayhi salatu wassalam. Car il a fait, hein, que son frère est devenu prophète d'Allah Azza wa Jal. Et il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a dit, ta réponse, ta demande est exaucée à Moussa. Et en partant de sa demande, son frère est devenu prophète d'Allah Azza wa Jal. Wa qala Moussa, wa akhi Harun afsahu minni lisanan, fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni, inni akhafu an yukadhibun. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan, fala yasiluna ilaykuma antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun. Et Moussa dit, mon frère, il est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi pour qu'il me donne de la force et pour qu'on me croie, car j'ai peur qu'il ne croie pas en moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons te renforcer avec ton frère, par ton frère. Et nous allons vous donner des preuves et nous allons vous protéger, ils ne pourront pas vous atteindre. Vous et ceux qui vous suivent, vous serez les vainqueurs. Promesse min Allah azza wa jal. فتأمل قول موسى عن أخيه إنه أفصح منه لسانا وقال عن نفسه أنه يضيق صدره ولا ينطلق لسانه ولكن الله عز وجل اختار موسى فالمسألة ليست بالفصاحة والبلاغة أو الأسلوب وإنما هو اختيار واصطفاء من رب العالمين وهو أعلم بالعباد. ميديت avec moi que Moussa a dit de son frère qu'il est plus éloquent que lui. Et il a dit, Moussa a dit de lui que, hein, ils se sont serrés dans sa poitrine et sa langue ne démarre pas. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa. Et Harun était grand, était plus grand que Moussa. Et il avait de l'éloquence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Moussa alayhi salatu wassalam. Car la situation, ce n'est pas l'éloquence. Ce n'est pas le style. Mais ça, c'est le fait d'être choisi min Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ses créatures et ses serviteurs. Il choisit qui il veut et il fait ce qu'il veut. فَمُوسَى هُوَ الَّذِي سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَشُدَّ عَضُدَهُ بِأَخِيهِ لِأَنَّهُ سَيُوَاجِهُ الْبَلْوَى الْكُبْرَى وَيَحْتَاجُ لِمَنْ يَعْضُدُهُ وَيُسَاعِدُهُ. فَمُوسَى, c'est lui qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le renforcer par son frère. Parce qu'il va faire face à une situation énorme. Il va être en face du Pharaon et de son peuple et des grands associateurs. Et il a besoin d'aide. Il a besoin de quelqu'un qui le renforce, qui l'aide. وانظر معي هذا التوجيه الرباني الرفق واللين في الدعوة وهذه هي الحكمة والعقل وهكذا عنوان كتاب الشيخ لكتابه أليس كذلك. Et regarde, frère en Allah, Azzawajal, cette orientation divine, il les a orientés du fait d'être doux, hein, et d'être doux dans leur da'wa, et d'utiliser le style, la sagesse et la raison, hein. Et ça, c'est le titre de ce livre de Cheikh Rabi'a. La da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est dans la voie de la da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam, où il y a la raison et la sagesse. N'est-ce pas le titre du livre de Yel Cheikh? Bah, la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa et à Haroun, alayhi salatu wassalam. فَقُولَا لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنًا فَمَنِ الَّذِي فَمَنْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْقَوْلُ اللَّيِّنَ هَذَا فِرْعَوْن أَكْبَرُ طَاغِيَةٍ إنه مدعي الألوهية إنه مدعي الربوبية فغيره أولى بالرفق واللين. Il dit dans le verset l'ordre qui a reçu Harun et Moussa alayhi salatu wassalam, dites-lui une parole douce. À qui ils doivent dire cette parole douce? Ils doivent la dire au plus grand tyran qu'a connu l'humanité, Pharaon. Un humain qui a prétendu être Allah et être le souverain, être le seul auquel on doit, hein, réserver le culte. Il a fait un grand mal. Et donc, autre personne que Pharaon mérite encore plus d'être doux avec et d'utiliser la sagesse et le bon langage. فإخوة الإسلام الداعية إذا خاطب الناس سواء العامة أو ولاة الأمر أو المسؤولين أو وجهاء القوم فيجب أن يكون خطابه باللين والرفق لأن الفظاظة والقسوة تنفر ولذلكم. Frère en Allah, Azzawajal, quand Da'i s'adresse aux gens, que ce soit le commun des gens, ou là les responsables, les gouverneurs, et les préfets et autres, ou les nobles de la communauté, etc., ou ceux qui ont des rangs sociaux, etc., il est obligatoire qu'il utilise des expressions douces, pleines de sagesse. Car la dureté fait éloigner. La dureté et la sévérité fait éloigner. ولذلكم الرسول الكريم قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ومن مظاهر التبشير أن تخاطب الناس باللين والكلام الحسن وكما قال إمام هذا الزمان الشيخ ناصر رحمة الله عليه الحق ثقيل فلا تتقلوه بسوء الخلق وبأسلوب سيء وربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons, et partant de là, à toute la communauté, il leur a dit, annoncez les bonnes nouvelles, et ne faites pas éloigner les gens, et facilitez les situations, ne les rendez pas difficiles. Bien sûr, la facilité des situations, selon ce qu'il y a dans la législation, pas en sortant de la législation et dire qu'on facilite. La khal islam, dans la législation, il y a la facilité. Et fait partie des aspects de l'annonce de la bonne nouvelle, c'est qu'on s'adresse aux gens avec douceur, avec doigté, et qu'on utilise les belles expressions. Et certains de nos imams, comme Cheikh Nasr, rahmatullah alayhi, a dit une fois, la vérité que nous avons est très lourde. Ne l'alourdissez pas avec votre style et avec votre dureté. Car il est dit dans le Coran, nous allons jeter sur toi un fardeau lourd. فقولا له قول اللين هذا أدب أدبنا به ربنا عز وجل فهكذا يجب على الدعاة مخاطبة ولاة الأمور والوجهاء والزعماء فإذا كان الداعية فضا غليظا نفر منه الناس وحقدوا عليه والولاة بشر فإذا استعملت الفظاظة والغلظة تجاههم نفروا وربما حقدوا على الدعوة وعلى الدعاة وحجروا على الدعوة ونظروا إلى الدعاة نظرة ازدراء وابتعدوا عنهم وقعت في نفوسهم الوحشة لماذا؟ لأنهم خوطبوا بأسلوب فظ غليظ إيه Ainsi, frère en Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset, dites-lui une parole douce. Ça, c'est le comportement que nous apprend Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre min Allah subhanahu wa ta'ala d'acquérir ce comportement et d'avoir ce comportement dans le da'wah. Donc, c'est ainsi que doivent être du'at il Allah quand ils s'adressent aux nobles de la société, quand ils s'adressent à ceux qui ont les responsabilités et aux gouverneurs, aux ministres, etc. et aux leaders. C'est le da'i a un style qui est dur et qui est méchant. Bah, les gens vont se sauver de lui. Ils vont avoir la haine contre lui. Et les gouverneurs, les ministres et ceux qui ont des rangs sociaux, etc., etc., ce sont des humains. C'est, il est utilisé avec la dureté et la sévérité. Bah, ils vont se replier sur eux-mêmes et peut-être même va s'installer dans eux-mêmes. Ils vont fuir, il va s'installer dans leur cœur la haine contre Dawa et contre Duat, et peut-être qu'ils vont créer des obstacles contre Dawa, et ceci est arrivé. Et ils vont regarder d'un mauvais œil les Duat il Allah, et ces Dawa il Allah et Azzawajal, ils vont s'éloigner de ces Duat, et parce que c'est installé en eux, la haine de la Dawa et du Da'i, pas pourquoi ? Parce qu'on s'est adressé à eux avec un style qui était dur, qui ne leur convient pas. فَإِذَا كُنَّا مَمْنُوعِينَ بِمُخَاطَبَةِ أُولَاتِ أَمْرِنَا وَزُعَمَائِنَا وَوْجَهَائِنَا بِالْفَضَاضَةِ وَالْغِلْضَةِ فَكَيْفَ بِمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الدُّعَاتِ تَسْمَعُوا فِي خُطَبِ الْجُمُعَةِ يَتَكَلَّمُ فِي وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ والمسؤولين ويتكلم في الدولة وربما صرح بأسماء الولاة وأخذ يشهر بهم ويطعن فيهم ويؤلب قلوب الناس عليهم. Donc si il nous est interdit de s'adresser aux gouverneurs et à ceux qui ont la responsabilité à nos leaders et à ceux qui ont des rangs sociaux dans la communauté, qu'il nous est interdit de s'adresser à eux avec sévérité, avec dureté dans le langage. Donc pourquoi certains du'at, tu les entends dans leur khotab, quand ils montent leur manbar ou quand ils parlent des gouverneurs des pays de l'islam et des responsables dans l'État et des ministres, etc., ils parlent mal d'eux. Et en plus de ça, des fois, ils vont jusqu'à divulguer leur nom. Et ils leur donnent une mauvaise réputation. Et ils les critiquent. Et il fait que les gens ont la haine contre eux, ils remplissent les gens de haine contre leurs responsables. فلنسأل أنفسنا إذا قيل لنا إذا قيل فينا ما يقال في ولاة أمرنا فماذا سيكون موقفنا؟ Et qu'on se pose la question sur nous-mêmes. On se dit si il est dit sur nous ce qu'on dit sur le dénigrement qu'on fait aux responsables de la communauté musulmane. Qu'est-ce que ça va être notre position? Comment nous allons être? Quelle position nous allons prendre? ولنتذكر ان ولاة امرنا بشر مثلنا لهم احساس وعواطف واسر فبالله عليكم ماذا سيكون موقف المسؤول او الوالي الذي شهر به وطعن فيه من الدعاة والدعوة. Et qu'on se rappelle que les gouverneurs, les ministres et aussi les responsables, ceux qui ont des hauts rangs, etc. dans la communauté, ce sont des humains comme nous. Ils ont des sentiments, ils ont des familles. Par Allah, comment va être la situation d'un responsable ou d'un gouverneur à qui on a donné une mauvaise réputation en plein public, qu'on a critiqué, et peut-être qu'on a même dépassé les limites à parler de sa femme, de ses enfants? Quelle position elle va avoir des du'at et de la da'wa? Il faut qu'on réfléchisse, qu'on ne soit pas une pierre sur le champ de la da'wa. La shakka annahu sayakrahuha ويكرههم ولن يقبل نصيحة ولا شيئا، فمن الذي أفسده على الدعوة والدعاء؟ من الذي أفسده على الناصحين بهذا الأسلوب المخالف للأمر الرباني ومنهج الأنبياء؟ يو كان دوت كيف va détester la da'wa, il va détester les du'at. Il va rien accepter, il va pas accepter de conseils d'eux. Rien du tout. Mais qui l'a rendu ainsi? Ce sont qui l'a rendu ainsi? Qui l'a rendu à la position qu'il déteste da'wa et du'at? Qui a installé la haine dans son cœur contre da'wa et du'at? C'est ceux qui ont utilisé le style de la sévérité et de la dureté dans leur langage, et qui, dans cette situation, ils étaient en divergence avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en divergence avec la voix du prophète alayhi salam. Et ainsi, les conseilleurs qui font bien, ils ne pourront pas arriver au cœur de cette personne. Il va même détester ceux qui sont dans le bien, à cause de ceux qui ont fait mal. فهذا الأسلوب الفظ الغليظ يفسد الولاد ويجعلهم لا يقبلون النصيحة ولا يقبلون توجيه العلماء لأنهم حقدوا عليهم كيف هؤلاء يتكلمون فينا ويشهرون بنا ويفسدون بيننا وبين الرعية كيف بعدها نريد أن يقبلوا من الناصحين الجادين. Donc ce style bien sûr rend mauvais les gouverneurs. Il fait qu'ils ne vont plus accepter le conseil. Ils ne vont plus accepter l'orientation des hommes de science. Parce qu'ils ont la haine contre eux. Comment ceux-là, sur leur nombre et dans leur cœur, ils parlent de nous. Ils parlent mal de nous. Hein? Ils nous donnent des mauvaises réputations. Et ils créent un fossé entre nous et nos populations. Comment veux-tu après ça qu'ils acceptent le conseil de ceux qui sont dignes du conseil? C'est impossible. وربما وقف المسؤول الدعوة والدعاة وهذا حصل ويحصل والحال تزداد سوءا بين الله سوءا بين الدعاة وبين ولاة الأمر بسبب أسلوب التشهير والتأليب والتهييج وهذه مفاسد التشهير. Peut-être que le responsable va arrêter ce da'i ila Allah. Il va stopper la da'wa. Et ceci est arrivé. Il arrivera encore. Et la situation va s'agrandir, le fossé va s'élargir encore plus entre Duat et les responsables de la communauté. Tout ceci, il est causé par quoi? Par ce style de dénigrer en public, hein, Oulat al-Omor, et d'exciter les gens contre leur gouverneur. Et c'est ça, ce sont les mauvaises choses qu'on récolte avec le fait de donner et de parler mal de nos gouverneurs en plein public, etc. Et de les dénigrer. وحتى لو أراد هذا المسؤول أن يتوب ويتراجع فقد قطع عليه الطريق كيف يتوب بعدما فضح وشهر به وسوف يصر على ما هو عليه ويركب نفسه وقد يكون ذلك عنادا في الداعية. Et même si ce responsable maintenant il veut se repentir, il veut revenir. On lui a coupé le chemin. Comment il va se repentir après que on lui a donné une mauvaise réputation? On a sali son image dans le public. Il va s'entêter. Et puisqu'il a le pouvoir, il va s'entêter. Et il va, l'orgueil va l'habiter. Et dans ces cas-là, par entêtement contre ce da'i, il ne va pas revenir. آخر سيء في هذا الأسلوب. شحن النفوس على ولاة الأمور. فإذا ذهب الدعاة إلى المحاضرات العامة والدروس والتجمعات وتكلموا في عيوب الحكام والوزراء والحكومات ومساوئهما فما هو أطر هذا على الناس. Il y a aussi un grand mal qui ont découlé aussi dans ce style. C'est remplir de haine le cœur des populations contre leurs gouverneurs. Quand les du'at vont aux conférences générales, aux cours générales, dans les réunions, etc., ils parlent des gouverneurs, etc. Et ils divulguent, soi-disant, les défauts des gouverneurs, des ministres et le mal qu'il y a dans l'État, etc. Quel impact ça a sur les gens, sur le commun et sur la population? طبعاً الناس سيكرهون ولاة أمرهم ويسبونهم ويلعنونهم ويكرهون حكومتهم والنتيجة ماذا بعد ذلك؟ الفتنة. Évident qu'en utilisant ce style, qu'est-ce qui va en découler? La haine des gouverneurs. Et les gens vont insulter leurs gouverneurs, vont les maudire, vont les détester, vont détester leur état. Et le résultat, c'est quoi après? Hein? L'anarchie dans le pays après, et le sang, et les viols. وماذا سينتج من هذا الأسلوب؟ سيتخرج لنا منه شبابا لا يفقهون شيء. أقل ما يفعلون أنهم يكفرون وأنتم ترون أمامكم وتسمعون. فمن الذي دفعهم إلى هذا التكفير وحركهم إليه وأفسد قلوبهم؟ إنها هذه المحاضرات والجمع والخطب تهيجية كما يقولون السخونة. وإنهم هؤلاء الدعاة المحرضون المهيجون هم السبب. Qu'est-ce qu'on va récolter de tout ça, de ce style? Nous allons hériter d'une jeunesse qui ne comprend rien. La moindre des choses qu'il fait, la chose qu'il sait faire, c'est de rendre mécréants les gens. Et vous voyez devant vous, et vous les entendez devant vous. Qu'est-ce qui les a poussés à rendre les gens mécréants? Et qu'est-ce qui les a excités comme ça? Et qui a fait du mal à leur cœur? Ce sont ces cours, ces rotables, excitantes et chaudes, comme ils disent. Et ces cours, hein? Et ce sont ces douates qui excitent la jeunesse, qui ont fait ce grand mal. C'est ce style, qui n'est pas un style prophétique, qui a rendu cette jeunesse ainsi. وهذا الأسلوب تبع منذ سنوات في بلاد المسلمين عند كثير من الدعاء في الدروس والمحاضرات والمطويات والكتب وحتى عبر القنوات كالخسيرة وغيرها وعلى مواقع الانترنت وغرف البلطوك الآن. وهذا هو الذي ولد لنا هؤلاء الشباب الذين أقل أفعالهم أنهم يكفرون. فتسمعهم وهم يعيشون في بلاد الطواغيت في أوروبا وأمريكا. هذه الحكومة كافرة، هذه مردة، هذا الحاكم مرتد، هذه الدولة مرتدة. من أين لكم هذا يا شباب؟ قال فلان، قال الداعية فلان، قال كذا، بعث لي مقال كذا. ها؟ من الله عز وجل ce style a été suivi pendant plusieurs années dans les pays de l'islam. Parmi beaucoup de du'at, dans leurs cours, dans leurs conférences, dans les diplômes qui se distribuent, et dans les livres, et par l'intermédiaire de certaines chaînes de télé comme le Khassira, et sur certains sites d'internet, et sur, maintenant sur hein, les salons de Paltok, comme vous l'entendez. Et c'est ce qui a fait que nous avons maintenant en face de nous des jeunes, le moindre mal qu'ils font, c'est le moindre mal ce qu'ils rendent mécréants. Sinon, c'est autre chose qu'ils font. Et tu les entends alors qu'ils vivent dans les pays d'Al-Tawarit, en Europe, en Amérique. Ils disent des pays de l'islam, cet état est un état de mécréants. Cet état est un état d'apostasie. Ce gouverneur, il a apostasie. D'où vous tenez ça aux jeunesses? Tel a dit, tel cheikh a dit, tel da'i a dit. Nous l'avons lu dans tes livres. Il m'a été envoyé un dépliant et... Subhanallah. فالشباب أخذ التهييج والتكفير من هذا الأسلوب ومن هذه المحاضرات فجروا الويلات على الدعوة وعلى الأمة. من الله عز وجل la jeunesse, un musulman a pris cette excitation et ce tekfir de ce style de ces du'at. Il a pris de leurs conférences, hein, de leurs cours, de leurs jumu'a et ils ont drainé un grand mal sur da'wa et sur la communauté musulmane. ولم يكن التأليب والتهييج من أساليب رسول الله ولا صحبه الكرام ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسمعتم عن أبا بكر أنه هيج الناس أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي أو عن معاوية أو عن أبا هريرة رضي الله عنه أو الإمام مالك أو غيرهم من أئمة الدنيا. Donc, est-ce que et jamais le style de l'excitation et le style de donner des réputations aux gouverneurs et à ceux qui sont à la tête de la communauté n'a été le style de Mohammed al-Islam vis-à-vis des mécréants, ni ses nobles compagnons, ni ceux qui les suivent à la perfection. Est-ce que vous avez entendu ceci de là, où il vous a été rapporté par même une chaîne faible d'Abu Bakr ou d'Omar ou d'Uthmar ou d'Ali ou de Muawiya ou d'Aba Hurara ou d'autres et de l'imam Malik ou de l'imam Ahmed ou Abu Hanifa? Jamais de la vie. Asami'tum anna Abdullah ibn Mas'ud ou Abdullah ibn Umar ou qara'tum annahum jalasu fi darsin wa akhadu yantaqiduna Muawiya? بل جاء في بعض الأثر أن معاوية خطب في المدينة وقال كلمة وعبد الله بن عمر كان جالسا. قال معاوية: أيها الناس، من ينازعنا هذا الأمر ومن هو أحق به منا؟ Est-ce que vous avez entendu Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, ou vous avez lu, ou vous avez une chaîne de transmission même non faible, dans laquelle on a Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas s'est assis sur une chaise pour enseigner, à commencer à critiquer Mouawiya ou autre, ou la même Al-Hajjaj, qui a fait couler beaucoup de sang dans la communauté. Il nous a été rapporté, authentiquement, que Mouawiya, Ardouanullah alayh, a fait une khutba en Jumu'a. Il a dit dans sa khutba, et Abdullah ibn Omar était présent dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam à Médine, et Mouawiya a dit aux gens: qui veut nous concurrencer sur le khilafa? Et qui est mieux que nous pour être khalife? يقول عبد الله بن عمر: فكدت أن أقوم وأقول له أحق به منك من قاتلك وأبوك عليه. ثم قال رضي الله عنه: ولكني خشيت أن أفتح على الناس باب شر فسكت. عبد الله بن عمر dit: à un moment donné j'ai failli me lever et dire: ceux qui sont mieux que toi pour le prendre, ceux qui t'ont combattu toi et ton père sur, c'est-à-dire qui t'ont combattu avant sur l'islam, pour que il a dit رضوان الله عليه: mais j'ai peur d'ouvrir une porte du mal pour les gens, et je me suis tué. فانظروا هذه الحكمة وهذا العقل. فمعاوية قال كلمة يرى عبد الله بن عمر أنه أخطأ فيها. ولكن لاحظ معي، معاوية كان الخليفة وعبد الله بن عمر رأسا من رؤوس المسلمين، بل شيخ الإسلام وعلامة المسلمين. فلو أن عبد الله بن عمر نطق بكلمة أو بتلك الكلمة، ماذا كان سيحصل؟ لا شك أنه كانت ستحصل Et regardez, je veux que vous méditiez cette situation. Hein? Qu'on ne donne pas notre raison à n'importe qui. Et qu'on ne se fasse pas avoir par les beaux parleurs. Regardez cette sagesse et cette raison avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le compagnon de Muhammad alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est obligatoire de suivre leur chemin. Mouawiya a dit une parole, Abdullah ibn Omar voit que cette parole, Mouawiya ne devait pas la dire, que c'est une erreur. Mais médite avec moi la situation. Mouawiya était le khalif, Abdullah ibn Omar était l'une des têtes des musulmans, et Cheikh l'Islam est l'éminence de la science et la montagne de la science. Si Abdullah ibn Omar avait prononcé ce qui lui passait par l'esprit, la situation aurait été comment? Regarde, il n'y a aucun doute qu'il y aurait une énorme fitna après. Mais regardez cette sagesse avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé nos plusieurs de Allah alayhim. Saufa yuqal, Abdullah ibn Omar atalada ala Mouawiya. Wa taqoumu al-fitna. Wa yatahayyaju al-shabab wa al-ru'a. Wa tusallu al-suyuf. Walakin ta'amma al-hikmata Abdullah ibn Omar wa aqlahu wa fitnata. Il n'y a aucun doute, frère Allah azza wa jal, va dire... Si Abdullah ibn Omar avait parlé, on dirait Abdullah ibn Omar s'est opposé à Mouawiya. Et le fitna va commencer. Et les jeunesses qui ne comprennent rien, qui n'ont... Hein? Et... Ru'a, qui ne savent rien, vont se lever et vont sortir l'air, leur épée, de leur fourreau. Et il y aurait des sangs qui auraient coulé. Mais regarde cette sagesse avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam. Regarde cette raison. Et cet éveil chez les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa kadhalika idha ja'a 'alimun aw da'iyatun kabir yatakallamu fi al-hukkam wa al-hukumat 'ala al-mala' fa hadha la shakka annahu sayaftahu bab ash-sharr 'ala an-nas wa an-nas fi al-ghalib la fiqh lahum wa la 'ilma lahum wa la hikma wa 'atifiyun yanjaruna wara'a kulli na'iq wa ghalabat 'alayhim siyasatu al-fada'iyat. Maintenant, imagine, quand un homme de science arrive quelque part, ou un grand da'i, hein, tête d'affiche, arrive dans un lieu, commence à parler des gouverneurs et des états, en plein public. Ceci, c'est évident que ça va ouvrir une grande porte du mal sur les gens. Et les gens, en général, n'ont pas de jurisprudence, n'ont pas de compréhension de la religion, ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de sagesse. Ce sont des gens qui marchent avec les sentiments. Et qui court derrière tout beau parleur qui est là, il court derrière lui. Et la politique, c'est accaparé d'eux. La politique des, hein, des chaînes, c'est accaparé d'eux. Et c'est accaparé de leur esprit. فانتقاد الحكومات علنا أطره سيء ومدمر. Le fait de critiquer les états en public, ceci amène un grand mal et c'est une destruction. وقد يقول قائل فما هو الأسلوب إذا كنتم تمنعوننا من الكلام وألا ننتقد هذا الولي وهذه الحكومة فماذا نفعل. Et peut-être que quelqu'un va se dire, donc c'est quoi le style à utiliser si vous nous interdisez de parler, de ne pas critiquer le gouverneur et l'État? Qu'est-ce que nous devons faire? فيقول أهل العلم عليكم بأمرين وقد أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما أخبرهم بأنه سوف يأتي حكام يعرفون منهم وينكرون وعندهم أثرة أي حكام عندهم أشياء طيبة وأشياء غير طيبة. فقال الصحابة الكرام أفلا نقاتلهم أو ننابذهم بالسيوف؟ فقال لهم لا وأمرهم بقوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. Les hommes de science disent à cette question, vous devez vous cramponner à deux choses. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a ordonné à ses nobles compagnons. Et nous avons d'autres choix que de suivre ses nobles compagnons et les orientations et les leçons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, il va y arriver des gouverneurs, dans les actes de ces gouverneurs, vous allez reconnaître des choses qui sont bien et d'autres qui sont mauvaises. Et des fois, ils ne vont pas vous donner des choses, etc. Ils vont garder les bonnes choses pour eux. Et les nobles compagnons lui ont dit, on les combat à Rasulallah, on prend les épées, on les combat. Il leur a dit, non, non. Il leur a ordonné, patientez jusqu'à ce qu'on se retrouve autour du bassin. Patientez jusqu'à ce que vous me trouviez autour du bassin. Voici la leçon de Mohammed alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, dites si vous aimez Allah, suivez-moi, suivez qui? Mohammed alayhi salam. Allah, il vous aimera. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, il a dit, patientez, attendez qu'on se retrouve autour du bassin, duquel Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donnera à boire, hein, aux croyants, ils vivront de l'eau, après cette eau, ils n'auront plus soif. Durant cette énorme journée, dit la résurrection. فهذا أمر أراده الله فكما تكون يولى عليكم وهذا طبعا ليس بحديث وإنما هي حكمة درجت على ألسن المؤرخين والاجتماعيين وكما جاء عن بعض السلف أعمالكم عمالكم وعمالكم أعمالكم فلا يوجد شعب طيب ونزيه ومحافظ يولى عليه حاكم فاجل أبدا تأبى حكمة الله ذلك. Et ça, c'est une situation, frère de Allah, Zawajal, que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et comme vous êtes, serons-vous gouverneurs. Et évidemment, ça, naturellement, ce n'est pas un hadith, frère de Allah, Zawajal. Ça, c'est une sagesse que disent beaucoup les historiens et les hommes de la sociologie. Il nous a été rapporté de certains de nos puiseurs, d'Allah alayhim, qui disaient, vos actes sont vos gouverneurs, et vos gouverneurs sont vos actes. C'est-à-dire, comme la risala de Cheikh Abdul Malik Ramadani, hein, vos gouverneurs sont l'image de vos actes. Hein? C'est impossible qu'il y ait un peuple noble, un peuple soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, un peuple qui préserve les droits de Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'à sa tête il y a un tyran. La sagesse de Allah subhanahu wa ta'ala refuse la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses à la perfection. Et la perfection complète d'Allah subhanahu wa ta'ala refuse qu'il y ait un peuple noble, il y a un peuple soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, à sa tête il y ait un tyran. C'est impossible. Wal umru tani min nasihati ahli al-ilm. Al-nasiha. Liman yastati' an yansaha wulat al-amr. قال عليه الصلاة والسلام من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأتي إليه وليخلو به فإن قيل قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. جاء هذا الأثر في السنة لأبي عاصم رحمه الله وصححه الشيخ ناصر رحمه الله عليه. Et le deuxième ordre que nous donnent les hommes de science, c'est le conseil. Celui qui peut conseiller le gouverneur, qu'il le conseille. Si tu ne peux pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'impose pas ce que tu ne peux pas faire. On voit des remarques à quelqu'un qui peut aller faire le conseil. Enfin, le conseil pour celui qui le peut, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a un conseil prodigué au gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public. Qu'il aille vers ce gouverneur et qu'il se met face à lui, tête à tête, la main dans la main, et qu'il lui dise ce qu'il a à lui dire. Et qu'il lui cite les choses qu'il doit lui citer. Le gouverneur accepte de lui, alhamdulillah, il accepte pas de lui, il a rempli son devoir, et son devoir s'arrête là. Cet attar est rapporté par Nabi Asim dans le livre d'El Sunnah, il est authentifié par Cheikh Nasr rahmatullah alayh. وهذا حديث يعد من مقاصم ظهور أولئك المهيجين فلنتأمل بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce hadith qui vient de passer avec nous, c'est un bâton qui casse le dos de ceux qui excitent la population musulmane. Qu'on médite ce qu'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. فهل وجهه فيما يخص ولي الأمر أن يذهب إلى المساجد ويلقي محاضرات في عيوب السلطان أو أن يفتح غرف البلطوك ويشهر بحكام المسلمين أو يتنقصهم في خطب الجمعة؟ أبدا. Maintenant, regardez, est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a orienté les musulmans en ce qui concerne, quand ils ont un conseil à faire au gouverneur, qu'ils aillent dans les mosquées, qu'ils fassent des cours en public et qu'ils commencent à énumérer les défauts des gouverneurs, ou d'ouvrir une room dans Paltok et de commencer à donner des mauvaises réputations et à parler en mal sur les gouverneurs des pays de l'islam, ou alors de les diminuer dans le khutbah d'Yal Jumu'ah, jamais de la vie à l'islam. Walakin, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tadhab ilayh, wa takhlu bih, wa tukallimuhu baynaka wa baynah. In qabila fadhaak, walhamdulillah, wa in lam yaqbal, faqumta bima alayk, wa addayta alladhi alayk, wa hada huwa manhajur rabbaniyin, min as-sahabati wal ulama, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mais il a dit, alayhi sallatu wassalam, tu vas vers lui, tête à tête, tu parles entre toi et lui. S'il accepte de toi, c'est bien, alhamdulillah. S'il n'accepte pas, tu as rempli ton devoir. Et ça, c'est la voix de ceux, réels éducateurs de la communauté des hommes de science dignes du nom, parmi les compagnons de Mohammed, alayhi sallatu wassalam, et à leur tête, les compagnons de Mohammed, alayhi sallatu wassalam, et les savants de cette communauté, ça, c'est leur voix. وتأملوا إخوة الإسلام لما حصلت الفتنة في زمان عثمان وكان الناس يضطربون ويتكلمون ودس فيهم اليهود عبد الله بن سبأ سمه وبدأ يؤلب ضد عثمان وكان أن وقع بعض عمال عثمان في أخطاء جاء الناس إلى أسامة بن زيد يا حب رسول الله ألا تكلم عثمان وقال لهم رضي الله عنه وهذا الأثر عند الإمام البخاري رحمه الله أو تظنون أنني لا أكلمه حتى أخبركم لقد كلمته ما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح باب الفتنة على الناس فرضي الله عن صحابة رسول الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسلكنا ومسلككم مسلك نهج صحابة رسول الله رضوان الله عليهم. Et méditez la situation quand il y a eu la fitna à l'époque de Uthman ibn Affan, dit Nourayn. Où les gens ont commencé à être perturbés. Et quand ils ont commencé à parler de certains actes que certains gouverneurs faisaient mal, certains bras de. Et certains gouverneurs qu'a désigné Uthman ibn Affan faisaient des choses qui sont pas, qui sont mauvaises, etc. Et des erreurs, ils tombaient dans des erreurs. Mais le juif Abdullah ibn Sa'aba a injecté son venin dans la communauté, il a profité de ça pour créer encore le fitna et le fossé encore plus large. Et les gens, par les, ce qu'a injecté Abdullah ibn Sa'aba en eux, comme fausses idées, hein, ont commencé à s'exciter contre Uthman ibn Affan et avoir la haine contre Dhinnourain. Hein? L'homme, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, les gens sont pudiques devant lui. Et à ce moment-là, certains gens sont allés voir Oussama ibn Zayd. Ils lui ont dit, oh toi, l'aimé de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu ne parles pas à Uthman ibn Affan? Il leur a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et cette parole, elle est rapportée par l'imam Bukhari. Vous croyez que quand je vais lui parler, je vais vous le dire et vous l'annoncer? J'ai parlé avec lui entre moi et lui. Je ne veux pas ouvrir une porte du mal pour les gens. Hein? Vous voyez cette noble et cette compréhension saine et cette voix saine sur laquelle était le compagnon de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et cette clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a dotés. C'est pour ça qu'il est de notre devoir, qu'il est obligatoire pour nous d'être dans le même chemin qu'eux. فانظروا وتأملوا في من أمرنا باتباعهم وسلوك سبيلهم هل راح إلى المسجد يؤلم ويشهر كما يفعل هؤلاء في حكام المسلمين عبر الشبكة العنكبوتية regardez, méditez cette situation de la situation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire de suivre leur chemin. Est-ce que Oussama a été dans la mosquée pour exciter les gens contre leur gouverneur comme le font ces excités sur les rooms d'internet de Paltalk? Ou Al-Qama, wa qala ummal Uthman, akhta'u wa fa'alu, fama fihi sahabiyun, allaba ala Uthman, innama allaba al-ru'a'u atba'u kullu na'iqn wa hada wa hakada fi asrina. Allah Azza wa Jal, Oussama ne s'est pas levé non plus dans les mosquées pour dire les gouverneurs et les bras de Uthman ont des erreurs, ils ont fait. Il n'y a aucun compagnon qui a excité les gens contre Uthman, je dois Allah aller. Aucun. Mais ceux qui l'ont fait, ce sont les bas de la société. Ceux qui suivent tout parleur, hein, tout beau parleur qui parle. Et il en est ainsi à notre époque. Khudou Matalan. الشيخ ابن باز رحمه الله هل سمعتم مرة أنه ألب على الحكام أو ذكر عيوب الحكومات أو شهر بأحد من الوزراء أو الأمراء prenez un exemple son éminence que Allah سبحانه وتعالى lui donne le firdaus al-a'la ibn Baz rahmatullah alayh est-ce que vous l'avez entendu une fois exciter les gens contre un gouverneur des pays de l'islam ou citer ou parler au mal d'un état islamique ou parler au mal ou là, d'un ministre ou là d'un gouverneur ou là d'un responsable quelconque d'une municipalité ou autre ou là parler au mal d'un prince jamais de la vie wa l'islam walakin sumi'a minhu ghayr dhalik fa hada al-fizaz al-ab wa ibnuhu wa ra's al-takfirin fi al-maghrib wa huwa fi al-sijn wa alhamdulillah ha dhahaba al-fizaz al-ab ila ibn baz وفي أثناء كلامه مع ابن باز قال هذا الفزاز الأب كلام يطعن فيه في الملك الحسن الثاني رحمه الله ملك المغرب السابق فزجره الشيخ ابن باز أتتكلم هكذا في ولي أمرك أتغتاب ولي أمرك نعم كما سمعتم إخوة الإسلام mais ce qui nous a été rapporté de ابن باز رحمه الله عليه une fois الفزاز le père de Mohamed Al-Fizaz, qui est la tête des Tkfiri, qui est au Maroc et qui est en prison maintenant. Hein? Une fois son père, il est allé voir Ibn Baz. Et pendant qu'il parlait à Ibn Baz, il a dit à Ibn Baz, il a commencé à critiquer le roi Hassan II, rahimahullah. Ibn Baz l'a réprimandé, il l'a remis à sa place. Il a dit, comment tu parles mal de ton gouverneur, Nta? Comment tu parles de ton gouverneur? Hein? Il l'a remis à sa place. Il voulait lui demander des subventions pour l'aider à ouvrir une maison d'Al-Qur'an. Il lui a dit, va me chercher une tazkiyah de Cheikh Taqi Dil Hilali. Va me chercher une tazkiyah de Cheikh Taqi Dil Hilali. Ou hal sami'tum marratan ani Cheikh Taqi Dil Hilali annahu takallama fi hukumat al-Maghrib ou fi hukumat al-Islamiyah. Ou hal fa'ala hadha Cheikh Nasser rahimahullah ta'ala abadan. Est-ce que vous avez entendu par exemple, Cheikh Taqi Dil Hilali, rahimahullah, hein, parlait de l'État marocain, ou parler des États islamiques au mal? Est-ce qu'il l'a fait aussi l'Albanais, rahmatullah alayh? Jamais de la vie. Et ce sont les grands de cette communauté. Je n'ai cité que ces trois-là. Mais sinon, la liste est longue. Ils n'ont jamais. Ils sont au-dessus de cela. Ils ne peuvent pas tomber à ce degré de la déviance. Parce que ceux qui parlent mal, c'est parce qu'ils ont dévié de la voie de leur cousin, wallah alayhim. ولكن إلى رجعنا إلى السبعينات والثمانينات نسمع من خطيب الإخوانية والقطبية عبد الحميد كيشك رحمه الله يقول كلاما فظيعا وقبيحا في ولاة أمور المسلمين يقول في كلام الله فإلى مملكة الحيوان من الأسد إلى فهد يريد بالأسد حاكم سوريا الأسبق ويريد بالفهد حاكم السعودية الأسبق رحمه الله فهل هذا أسلوب يستعمل عندما يتكلم في حكام المسلمين لا ابدا مهما كان الحاكم ici maintenant on revient vers les années 70 et les années 80 on entend le grand khatib ديال الاخوان ديال القطبيه كي عبد الحميد كيشك رحمه الله il dit des paroles qui sont énormes sur les gouverneurs du pays de l'islam une fois il disait vers le royaume des animaux en passant par l'Assad Afed Assad c'était le père du président actuel de la Syrie, Ifad, c'était l'un des rois d'Arabie Saoudite. Et ainsi, il parlait de vers le royaume des animaux. A'oudou billah. Et après, tu veux que le gouverneur, il accepte de lui un conseil. Jamais de la vie. Est-ce que c'est un style qu'on peut utiliser avec nos gouverneurs, malgré la situation et le degré de perversité, perversité, il y a au Mali, malgré leur degré, on n'a pas utilisé ce langage avec ceux qui nous gouvernent. وهذا يدل على شيء انما يدل عن الانحراف عن منهج الانبياء ومنهج السلف الصالح. Et ça, si ça prouve quelque chose, ça prouve que ce genre de prêcheur n'était pas dans la voie du prophète عليه الصلاة والسلام, ni dans la voie du puiseur رضي الله عليهم. والربانيون والدعاة الناصحون طريقتهم تجاه ولاة الأمر المناصحة بالحكمة والمكاتبة والرفق واللين في الكتابة والمشافاة والخلوة بمن ينصحون من ولاة المسلمين ومسؤولين Et la voix des savants dignes du nom et des duats qui conseillent la communauté qui veulent réformer cette communauté dans le sens du bien et la remettre dans les rails sur lesquels étaient Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection, leur façon de conseiller le gouverneur, c'est la sagesse, c'est de leur écrire, c'est la douceur, c'est en leur parlant d'utiliser le langage adéquat, et pas devant tout le monde. Quand ils s'adressent à un responsable dans l'État, à un ministre, à un président d'un conseil, ou autre, peu importe. Amma al-tahabu ila al-majami' wal-masajid, وإلقاء الكلام في تنقص الحكام وانتقادهم بين الغوغاء والرعاع الذين لا يفهمون الكلام أو الكلام في القنوات كالخسيرة وغيرها في الحكومات فهذا ما أنزل الله به من سلطان وماذا رجع عليه الأنبياء والسلف الصالحون من الله عز وجل كنت أفت دالي دون لمسكي والذي دون دي سال دو كونفيرونس اكسترا اي فير سا كونفيرونس اي كلا كونفيرونس تور au fait de dénigrer les gouverneurs, de les critiquer devant le Raoura qui ne comprennent rien du tout, ou alors d'aller sur une chaîne comme le Khassira et de parler en mal des états de islamiques, etc. Ceci, on n'a aucune preuve dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et on n'a aucune preuve dans la voie du prophète qu'il faut agir ainsi, ni dans la voie de Nupuzer d'Allah alayhim. La preuve est contre tout ceci et contre ces voies-là. بل هذه طريقة المنحرفين وطريقة من لا يريد النصح وإنما يريد النصرة لرأيه ومنهجه وهذا فيه شبه بما يسمونه حرية التعبير Mais ça, frère en Allah, Azzawajal, c'est la voix de ceux qui ont dévié de la voix de nos puissants, d'Allah. Et c'est la voix de ceux qui ne veulent pas le réel conseil à la communauté. Et c'est la voix de ceux qui veulent faire triompher leur opinion et leur voix. Et ça ressemble quelque part à ce qu'on appelle maintenant dans l'Occident liberté d'opinion, liberté d'expression. Voici où ça amène. Fabillahi alaykum. على هؤلاء الذين يشهرون بالدول والحكومات عبر الغرف العنكبوتية والفضائيات والصحف والمحاضرات يريدون الإصلاح. Par Allah, frère Allah, Azzawajal, méditez cette situation. Ceux qui dénigrent les pays de l'islam et les états des pays islamiques à travers les salons d'internet et à travers les chaînes de télé et à travers les journaux, les conférences, est-ce que ceux-là, ils veulent le bien pour ces états islamiques ? فَهَلْ هَذَا سَبِيلُ الْمُصْلِحِينَ اِقْرَأُوا سِيرَةَ سَلَفِكُمُ الصَّالِحِ الَّذِينَ عَاشَوا الْفِتَنِ فَمَاذَا كَانَتْ مَوَاقِفُهُمْ فِي الْفِتَنِ. Est-ce que ça, c'est la voie des vertueux et de ceux qui veulent le bien de la communauté et des réels réformateurs et les réels conseillers? Lisez les biographies de vos puiseurs d'Allah alayhi. Et surtout les biographies de vos puiseurs qui ont vécu à l'époque des fitanes. Vous allez voir comment ça a été leur position. Vous allez voir les nobles positions qu'ils avaient. Qui, leur position correspond à la position des prophètes et des orientations de notre prophète alayhi salatu wassalam et des nobles compagnons de Allah alayhi. Wa yaqul al-shaykh thumma yukallifuhu bid-da'wati li hadha al-mabda' al-'azim. Fa yursiluhu ila Fir'aun wa yubayyin lahu tariq ad-da'wati wa uslubaha al-hakim alladhi yuwajihu bihi Fir'aun. Qala ta'ala idhhab ila Fir'aun innahu tagha. فقل هل لك إلى أن تزكى ويهديك إلى ربك فتخشى ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة ويعلمهما الرفق واللين في الدعوة فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى. شيخ دو نديغ الله سبحانه وتعالى دول l'ordre et دول la responsabilité de la da'wa à Moussa alayhi salatu wassalam. Et il l'envoie avec ce principe important qui est vers Pharaon, d'appeler Pharaon vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré le style sage qu'il doit utiliser face à Pharaon. Il est dit dans Surat Naziat, va vers Pharaon car il a dépassé ses limites. Et dis-lui, est-ce que tu ne viens pour purifier, pour te purifier? Viens te purifier de la mécréance. Viens vers la foi. Viens vers la bonne œuvre. Je vais te guider vers ce qui va te ramener l'agrément de ton souverain. Et inshallah, tu auras peur et tu vas faire le bien. Voici la voie que Allah subhanahu wa ta'ala vers laquelle et le message que Allah subhanahu wa ta'ala a adressé par l'intermédiaire de Moussa alayhi salatu wassalam au pire des tyrans de la terre qui était Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala renforce Moussa alayhi salatu wassalam avec son frère pour qu'ils puissent tous les deux accomplir la preuve et pour que tous les deux œuvrent dans la sagesse et dans la douceur et dans le doigté dans cette da'wa pour que rapprocher cette da'wa au cœur des gens pour que ce guide, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu qu'il soit guidé. Et il leur a dit, allez vers Pharaon, il a dépassé ses limites, dites-lui une parole douce pour qu'il se rappelle. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui nous entourent, frère Allah, Azza wa Jal? Hein? Ceux qui nous entourent, ils disent la ilaha illallah. Et c'est Moussa et Harun ont reçu leur de dire une parole douce à Pharaon. Qu'est-ce que nous devons dire, nous, à ceux qui disent la ilaha illallah avec nous, qui tombent dans des erreurs? Hein? Encore plus, être doux avec. Hein? Et comme il est arrivé à Harun Rashid, rahimahullah, une fois, quelqu'un qui fait le wa'd l'a vu, il a été dur dans la parole avec lui. Harun Rashid lui a dit, calme-toi un peu. Tu n'es pas dévoué comme Moussa alayhi salatu wassalam. Et moi, je ne suis pas pire que Pharaon. Donc, calme-toi un peu. Et utilise le langage adéquat. Hein? Comme s'il lui disait, révise tes leçons. Allah a ordonné à Moussa d'utiliser un langage doux avec Pharaon. Et moi, je ne suis pas Pharaon. Hein? Et toi, tu n'es pas Moussa. À la même chose. Quant à l'islam, nous devons revoir notre style et notre façon de faire notre da'wah. Fa yaqul al-shaykh fa naffadha amra rabbihima wa da'wa wa da'a ودعواه إلى الله قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن يخشى الله ويتقي عواقب الشرك والظلم، فلم يستجب لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة، فبرهن موسى على نبوته وصدق رسالته بآيات كبرى، لكن الطاغية فرعون زاد طغيانا وتكذيبا، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إيه موسى هارون عليه الصلاة والسلام كون لو مونتخ الشيخ ici ها on met en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fait la da'wa à Pharaon comme leur a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait avec ça le guider, le purifier et pour qu'il craigne Allah azza wa jal et que pour préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'éloigne de l'associationnisme, la plus grande des injustices. Et il n'a pas répondu à leur da'wa calme et sage. Et Moussa a ramené des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala, avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté. Comme quoi il est prophète. Et comme quoi son message est véridique. Il a ramené des grandes preuves devant ce tyran. Et ceci n'a fait que remplir d'orgueil et de tyrannie Pharaon. Et il dit dans le verset, et il a menti, et il a désobéi, et il a réuni les gens pour faire face à la vérité, et pour combattre la vérité. Et il a appelé, je suis votre souverain le plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié, il l'a laissé comme preuve, pour montrer aux gens, et le prendre comme modèle du châtiment de ce bas monde, et le châtiment aussi dans le delà. Et il est dit dans le verset, les gens de Pharaon et Al-Pharaon sont exposés chaque jour au feu de l'enfer. Et le jour de la résurrection, au troulou. Allez-y, en enfer. On va arrêter là, Inch'Allah, pour ce qui concerne le livre de Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.